ouais. Je rappe pour les miens. Je rappe pour les tiens. Je rappe pour tout le monde. Je fais du rap. Vrai. Du rap. Vrai. Pour mes refrains. Je rappe pour le vrai, je rappe pour mes refrains, je rappe du rap frais, je viens sérieusement m'imposer. Le temps passe et je pense que mon style est assez OP. Plus le temps passe, plus j'ai plus le temps, je dois vraiment me démarquer. Je viens marquer les esprits, je viens prendre le volant, le permis. Le rap c'est à moi et à l'ami. Pas, j'ai peut-être votre amour magique. Vas-y, mec, recule. Cette fois-là, t'as que je rappe avec la virgule. Je crève les nuits sans les darkules. Personne, ouais. Personne ne peut me freiner, je suis décidé, même si je suis indécis. Mais j'ai jeté l'été, mon rap défie tous les premiers. Viens te montrer la réalité, écoute-moi, éteins ta putain de télé. J'rappe pour les miens, j'rappe pour les tiens, j'rappe pour tout le monde dans ce monde mauvais. Ah bon, j'rappe pour les miens, j'rappe pour les tiens, j'rappe pour tous ceux qui veulent s'en sortir dans ce monde rempli de bombes. J'rappe pour les miens, j'rappe pour les tiens, j'rappe pour tout le monde qui vagabond et qui se cache dans l'ombre. J'rappe pour les miens, j'rappe pour les tiens, j'rappe pour tout le monde, ouais, pour tout le monde. Rappa pour la gloire, la fortune ou pour me la raconter. J'aime ça, ça me fait kiffer. Ça me fait oublier les sales journées. D'exprimer mes pensées que j'ai tant gardé. Y'a pas que la société qui est visée. Ni les médias, ni les conneries de la télé-réalité. Mais aussi les personnes qui m'ont oublié. Alors qu'on a fait du partage, j'ai galéré ensemble. Certains grandir ensemble, on nous voyait toujours ensemble. C'était même si ça devait nous coûter un membre. La vie n'est pas comme je le pensais. C'est un tas de sang d'hommes qui peut pas s'entendre. Je rappe pour les miens. Pour leur faire un peu de bien, je rappe pour les tiens, parce qu'ils aiment bien, je rappe pour tout le monde, pour dire que dans ce monde, on est tous cousins. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde dans ce monde mauvais. Ah bon, je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tous ceux qui veulent sortir dans ce monde rempli de bombes. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde qui vagabonde et qui se cache dans l'ombre. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde, ouais, pour tout le monde. Je rappe pour ce monde, la planète qui va disparaître à cause des humains. Je rappe pour un frangin, ouvrage de ce frangin qui se trouve loin. Je rappe car je suis un passionné, excusez-moi de vous étonner. Vous croyez vraiment que je déconne quand j'ai dit je voulais rapper. Je rappe car c'est la seule chose que je sais mieux faire. Voir chez moi c'est la galère, c'est loin d'être le paradis sur terre. Je rappe pour les parents, les futurs parents et bien sûr les grands-parents qui veulent être auprès de ses enfants le plus longtemps. Je rappe pour les militants qui manifestent depuis trop longtemps pour avoir un peu de mouvement depuis tout ce temps. Je rappe pour ceux qui pas des sales moments, qui souffrent en silence, ceux qui regrettent d'être venus en France, ceux qui ont jamais connu l'immo-chance avec une belle enfance dans une maison immense. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde dans ce monde mauvais. Ah bon, je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tous ceux qui veulent s'en sortir dans ce monde rempli de bombes. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde qui vagabonde et qui se cache dans l'ombre. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde, ouais, pour tout le monde. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde dans ce monde mauvais. Ah bon, je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tous ceux qui veulent s'en sortir dans ce monde rempli de bombes. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde qui vagabond et qui se cache dans l'ombre. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde, ouais, pour tout le monde. Je rappe pour les miens, je rappe pour les tiens, je rappe pour tout le monde dans ce monde mosé. Ah bon, je rappe pour tous ceux qui veulent s'en sortir dans ce monde rempli de bombes. Je rappe pour tout le monde qui vagabonde et qui se cache dans l'ombre.